Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 décembre 2011. François, ton défi moustache, barbe et poils faciaux. Continue. Ça me va bien, hein? Oui, ça me va très bien. Tu peux me complimenter, si tu veux. Ah, j'allais le faire. Enlève-moi pas les mots de la bouche. Là, j'ai l'air de pas trouver ça beau, si ça me dit. Donc, François, tu te fais pousser la moustache et une partie de barbe pour défi avec François Landry. Explique-nous un petit peu. Ouais, exactement. François Landry, qui est d'ailleurs chroniqueur politique ici le jeudi. Oui. Lui a toujours porté la barbe. C'est en lien aussi avec Anne-Julie Durocher. OK, de la GIL. Mais il faut qu'elle se fasse pousser tout, là. C'est tout. Tous les poils qui poussent. Donc, c'est François Landry, d'ailleurs, qui va vérifier. Mais si ouais. Si tu réussis, ah, ton défi, c'est de te laisser pousser et de chanter. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois que c'est si tu te coupais, si tu te rasais, tu devais chanter non, pour compenser. J'aurais chanté, voyons donc. Ah, j'avoue, ouais. Et chanter du Jérémy en passant. Ouais, le petit Jérémy Gabriel. Donc, on vous tiendra au courant de ce défi-là jusqu'aux vacances et au-delà. L'artiste Anova et la pièce Flo dans CX. Je suis content, c'est fini. Hey! Oh boy! Je suis des entraînantes, là! C'est supposé être entraînant? Ben oui, certainement! C'était très bon, c'était. Golden Baby. Oh! Sur son album Blonde. Le bébé doré. Oui, bébé doré, c'est fait. Ouais. On dirait pas pourquoi il est doré. Ah non, on sait pas pourquoi. Golden Shower. Ah, mais j'ai dit en anglais. Hey, il est 8h06. Personne ne comprend ça, l'anglais. Tu penses? Attends! C'est pas un sac, ça? Non. Ben non. Donc, je peux l'utiliser à bon escient. À bon escient. Ouais. J'allais dire ça, mais je me suis retenu. Je trouvais ça fancy, tu sais. Ben non. Non, tu l'as bien dit. T'es un gars de classe, François. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Renvoie-moi pas le compliment. Ben non. Hey, François-Olivier Marchand et Mathieu. Et Mathieu Plante. Hein? On l'aime, Mathieu Plante. Comment ça, non? Ben, c'est beau. Je cherche encore des raisons moi-même. Et c'est une barrique de belle journée, ça! Oui! Effectivement. C'est une technique de marketing, on essaie d'insérer les noms de nos commanditaires dans la conversation, mais de façon, c'est subtil un peu, tu sais. Oui. Et ça fonctionne bien. On est fou! On est complètement crazy. Débile. Oui. Hein, c'est. On est fou! Ça a le fun d'entendre. Moi, je fais jamais vraiment de jeu de mots, là. Tu sais, Je vais pas les chercher très loin, ouais, là, oui, tout ça. Sauf que, en fin de semaine, j'en ai fait un, puis je le trouve bien drôle. En fait, je regarde un présentoir de bijoux dans un magasin, puis il y avait des boucles d'oreilles, okay. Puis c'est des petits boucles. Les animaux, là, le bouc. Tu sais, des boucles, là, avec des... En tout cas, là, c'est clair. Oui. Ceux-là, là. Ah, là, je trouve ça tellement drôle. Je vais regarder ça, c'est des petits boucles, des boucles d'oreilles. Les vendeuses ont fait oh? Mais c'est quand même sophistiqué comme jeu de mots là. C'est pas n'importe quel jeu de mots de Mathieu Plante. Recherché. Mais non, ça va tout le temps bien drôle sur Mathieu. Je m'inspire. Jane's Addiction et Underground. On en profite pendant qu'il y a personne. Pendant qu'il y a personne. Oh, t'as pas arrêté là. Pendant qu'il y a personne. Underground de Jane's Addiction. Bon, bon, bon, bon. J'aime ça? Non? Je suis pas sûr d'imitation. T'as aussi album classique les vendredis matin à partir de 10h. L'émission où on prend l'album et on l'écoute au complet comme l'artiste le voulait. Yes. Tu dis dans des meilleurs mots que ça dans ton slogan d'émission. Oui, mais je l'ai pas avec moi. Là. Le slogan. C'est pas ton slogan par cœur. Mais... Oui, les amis. Book. C'est ce que je dis. Après avoir écouté cette chronique-là, c'était bou. Ça va faire? Donc, les meilleurs moments d'Assemblage Requis, c'était pas drôle la première fois, ça n'est pas la deuxième non plus, mais bon. Donc, Assemblage Requis, lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand, Mathieu Plante et une ribambelle de chroniqueurs, dont toi. Oui. C'était là? C'était là ce matin. Dans ah. les Non, j'étais pas je dans le. Je crois que je t'ai enlevé au final. Hein. Oh, t'es fin. Je t'avais dit que tu serais là, mais t'étais pas là. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait de drôle? Ben, je sais pas, moi. Sur l'heure de ton réveil le matin. Tu disais que tu dormais dans le studio. Ah, oh, oui. Ouais, bon. Ben, comme toujours. Là. Ben, c'est ça. Non? C'est ça. Donc voilà, Assemblage Requis, allez voir sur assemblagerequis.com pour télécharger les balado-diffusions de l'émission à tous les jours et écoutez-nous en ondes sur la radio, etc. Et puis il y a les meilleurs moments aussi d'Assemblage Requis et du Dîner de cons, ça se passe les vendredis matin entre 6h et 10h et les samedis entre midi et 16h, donc un condensé de chacune des meilleures chroniques, dont sûrement la tienne peut-être, dépendant des semaines. Hein. Faut varier ah, des oui? fois. Okay. Ça arrive. Sache-le. Ah ben celui-là aux deux semaines. Hein. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Et pendant les fêtes, il y aura des, d'autres sortes de meilleurs moments dans les émissions dans l'Assemblage Requis, dans les cases horaires du matin. Et puis, tu y figures dans une émission Girl Power. Hop! Avec des chroniques de toi, Jasmine, Stéphanie, je crois, et puis qui d'autre? Hey, je me sens Myriam. Tout d'un coup comme une Spice Girl. T'es une Spice Girl. Moi, je suis Mel B. Ah oui? Ouais, ah, oui, j'ai les cheveux Mel frisés, elle aussi. Vrai? Donc. Tout à fait. Ouais. Oui. Moi et Mel B, même personne. Ouais. Ah, on vous a jamais vu ensemble, donc on peut pas prouver que vous êtes pas la même personne. Non, bon. C'est ça. Hey, c'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais. Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce que c'est pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy, crazy, crazy!